مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة، مضادة الحق لكم عبرة يا أهل السنة. آهن آهن أخوانا حسبتهم دروعا فكانوها ولكن الأعادي، وقلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. متن الأجرومية، الإمام النحوي محمد بن عبد الله الصنهاجي المعروف بن أجر الروم رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الالف واللام. متن الأجرومية. كور ديسبنسي بار أبو يوسف عبد الله العاجي. باب الأفعال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي في الأسبوع الذي مضى بقية الكلام في النواصب وأكملنا هذا الفصل بحمد الله سبحانه وتعالى. Donc on a pu voir les derniers أحرف qui étaient en relation avec النواصب. On avait vu بقية الأشياء التي تتعلق بالنواصب، فأخذنا الجواب بالفاء والواو وأو. نعم. أولا، je vais revenir sur certaines choses que j'ai pu évoquer dans le cours dernier par rapport à فاء والواو. تمام. Lorsqu'on a évoqué الفاء والواو، on a évoqué que الفاء من معانيه السببية. تمام. أنه سبب، أن ما قبله سبب لما بعده. تمام. ثم يؤتى بالفاء ويسمى هذه الفاء فاء السببية. تمام. Cette فاء qui est évoquée, dans laquelle il y a une chose qui est un sabab, qui est une cause de la venue, de ce qui va venir après cette fa, on appelle ça fa al-sababiyya. Et le waw, on avait évoqué comme sens du waw, waw al-ma'iyya. Ensuite, on avait évoqué mata takun al-waw al-fa tamsib al-fi'l al-mudari' ma'a al-mudmara wujuban. Une chose qu'il fallait évoquer par rapport à cela, on rajoute de ce qu'on a pu évoquer par rapport à le waw al-fa, c'est que le waw et le fa, si jamais ils viennent pas, le waw bima'na al-mahiyya wa al-fa kadhalika, si jamais il a pas le ma'na du as-sababiyya, et ben on va l'appeler jawab al-fa, al-jawab bil-fa wa al-waw. Tamam. C'est pas à chaque fois que, c'est pas tout le temps que le waw il aura le sens de al-mahiyya. Tamam. Lakin tu vas voir que il va rendre kadhalika mansoub. Tamam. Le shart pour qu'il rende mansoub, c'est que le fi'l al-mudari' alladhi ba'dahu tam subiqa imma bi nafi, il a été précédé d'un nafi ou bien d'un talab. Ensuite, si jamais ce waw là il a le sens de la ma'iyya, on va l'appeler waw al-ma'iyya. S'il n'a pas le sens de la ma'iyya, on va l'appeler jawabu na'am al-jawab bil fa bil waw plutôt al-jawab bil waw kadhalika bil fa. Tam, si jamais il a le sens de sababiyya, tam c'est pas le sens de sababiyya en lui-même qui fait que il a la viabilité de rendre mansoub avec an mudmara al-fi'l al-mudari' alladhi yali. Lakin c'est quoi? C'est les shurut qu'on a évoqué kadhalika, c'est-à-dire qu'il est masdouq bi talab ou bi nafi. Si jamais il a le sens du sabab, c'est-à-dire la chose qui est avant lui, c'est une cause, yani de la venue du verbe qui est venu après, le fa, on va l'appeler fa as-sababiyya. Si jamais c'est pas le cas, on va l'appeler al-jawabu bil fa. Donc c'est pour ça qu'il a évoqué al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-jawabu bil fa wal waw. Et moi j'avais dit, on n'appelle pas ça al-jawab bil fa wal waw, lakin on appelle ça quoi? Fa as-sababiyya. Là c'était une erreur, c'est une erreur par rapport à cela. On peut l'appeler fa as-sababiyya comme fa ou jawab bil fa wa kadhalika al-waw, waw al-ma'iyya si jamais le sens de al-ma'iyya, et barakallahu fikum, ou bien al jawab bil fas jamais à la présence de al ma'iyya. Donc ça c'est je voulais évoquer ce petit tarage, cette rectification là par rapport au cours dernier. Donc ça c'était deux petites rectifications par rapport au cours dernier. Ensuite il y en a un peu évoqué, on révision vite fait de ce qu'on a pu évoquer. On avait évoqué tamam al jawab bil fa wal waw au ou كذلك le waw al ma'iyya wal fa sababiyya. Et que c'est le fa ou le waw, ils vont rendre mansoub le fi'l al-mudari' alladhi ba'da ma'a an mudmara wujuban lakin bi shart, c'est qu'il soit masbouk bi nafi ou bi talab. Il faut qu'il soit précédé par une jumla qui soit manfiya, qui apporte le sens de la négation, ou bien une jumla qui est talabiyya. Et on avait évoqué que al-talab yani yashmal sab'ati ashiya. Qui se rappelle de cela? Non. Al-raja al-istifham. نعم الرجاء مثلا كما كان يقول فرعون لكن يعني صد تمني لكن هو كان يرجو ذلك قال يا هامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع تم الذي فأطلع منصوب تم بأن مضمرة وجوبا ce qui l'a rendu ce qui a fait qu'il a il a pu être منصوب لفعل مضارع c'est qu'il est مسبوق به الرجاكي لعلي الاستفهام هل ترحمون فترحموا التحضيض التحضيض مثلا يعني هلا هل هجرت المبتدع فتتخلص منهم نعم النهي لا تكذب فيفضحك الله الأمر أطيع ربك فتنجح العرض مثلا ألا تزورنا فنستفيد منك نعم إيه ما كوا الاستفهام الرجاء الاستفهام 1 2 3 4 5 6 ما كان 1 2 التمني التمني التمني مثلا كما قال سبحانه وتعالى يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما نعم فسي ما اشتمل عليه معنى الطلب أما النفي سهل يعني مثلا تقول لا ترحمون فترحمون تم لا ترحمون فترحموا وفيت با ميزيريكورد و اسبير لا ميزيريكورد نعم هذا هو تم ça c'est la خلاصه de ce qu'on a pu voir avec le fa et le waw تم le fa et le waw بالنسبه او كذلك اذا هم منصوب الفعل المضارع الذي بعده بان مضمرا وجوبا وذلك يعني الى on avait évoqué quand est-ce que او il pourra rendre le faire mudara mansoub avec an mudmara wujuban mata hada نعم si on peut le remplacer par ila ou illa نعم si on peut le remplacer par ila ou illa il va rendre mansoub le faire mudara ba'dahu bi an mudmara wujuban تمام la astasheelana sa'ba ou udrika al muna ay ila an udrika al muna ila an udrika al muna نعم illa نعم وكذلك la aqtulan al kafira أو يسلم أي لا أقتلان الكافر إلا أن يسلم تمام je tuerai excepté si jamais il se repent vers Allah عز وجل نعم on poursuit inshallah قال رحمه الله تعالى قال والجوازم ثمانية عشرة والجوازم جمع جازم جمع جازم الجازم هو العامل الذي يدخل على الفعل المضارع فيجزمه ما معنى يجزمه أي يغير آخره بالسكون أو ما ناب عن السكون كي سواء حذف النون أو حذف حرف العلة لفد سبخمي لحرف العلة تعم دوكي لا إن حركة كي أصلية كي بتو يا نعم إلى إن حركة كي أصلية كي السكون وإلى كذلك دوتخو علامة كي سون فرعية كي سون كي الحذف الحذف ينقسم إلى قسمين حذف النون يعني ثبوت النون يحذف أو يعني حرف حرف العلة سيدامي في بختي دافعال كي سون ناقصة قم دعا إلى آخره لم يدعو الأصل يدعو هذاك لم سفق لم يدعو تمام قال الجوازم ثمانية عشر أن سبو نمبر دو 18 لكن نعم أسو نمبر دو نعم جي أوبلي 17 نعم 17 أسو نمبر دو 17 Tam al-Jawazim, ils sont au nombre de 17, si je me rappelle bien. Non. Ils sont au nombre de 17. On va voir que al-Mu'allif, il a répété un peu. Il a répété un peu certains des harouf. Ils ne sont pas au nombre de 18. قال رحمه الله تعالى والجوازم 18 قال وهي لم ولما وألم وألم ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأيان وأين وأن وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة وإذا في الشعر خاصة نعم فإلى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الجوازم والجوازم il faut savoir que تنقسم إلى قسمين الجوازم أي العوامل التي تجزم الفعل المضارع تنقسم إلى قسمين il se divise en deux catégories قسم يجزم فعلا واحدة un قسم qui va rendre مجزوم un seul فعل وقسم يجزم فعلين il va rendre مجزوم deux فعل المؤلف رحمه الله تعالى il a évoqué les deux قسمين le قسم الذي ينصب الفعل المضارع يعني ينصب فعلا واحدة من الأفعال المضارعة وقسما ينصب أو plutôt يجزم الفعل المضارع لكن أو plutôt فعلين من أفعال المضارعة il a évoqué يعني رحمه الله تعالى les deux catégories فبدأ رحمه الله تعالى بلم تمام ولم ولما لم سين حرف جزم وقلب ونفي حرف جزم وقلب ونفي حرف جزم لأنه يهم جزم الفعل كي بعده وقلب لأنه يدخل على الفعل المضارع فيغير معناه تم يقلب معناه إلى الماضي تم يغير الفعل المضارع معروف ندي كسسولي يعني يحمل معنى إما معنى الحال أو إما معنى الاستقبال يتوزي pour حال أو bien الاستقبال لكن لم lorsqu'il va rentrer dans le فعل المضارع سيغير معنى الفعل هذا إلى الماضي il aura le sens du passé c'est pour ça qu'on appelle قلب أي يقلب معنى المضارع إلى الماضي ونفي parce qu'il apporte le sens de la négation فقوله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا فإن لم تفعلوا فتفعل هنا مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة والواو يعني لم يف فإن لم تفعلوا والواو ضمير متصل في محل رفع فاعل تمام فالفعل هذا إلى كوا إلى مجزوم أي كذلك قلب فإن لم تفعلوا تمام إلى مجمسه تمام كذلك يعني لم أطلب العلم عند مبتدع لم أطلب العلم عند المبتدع إيش معنى ذلك؟ c'est-à-dire je n'ai jamais étudié il parle d'une chose dans le passé il parle pas du présent لم أطلب العلم عند مبتدع c'est-à-dire qu'il n'a jamais étudié il parle d'une chose qui est passée c'est pour ça qu'ils ont dit لم تدل على إيش القلب يعني تقليب المعنى إلى الماضي تقليب الفعل المضارع إلى الماضي ونفي parce qu'il apporte le sens de la négation il apporte le sens de la négation قال ولما لم ولما sont متقارب كلاهما plutôt on va évoquer لما لما c'est un حرف كذلك حرف جزم لأنه ينصب يجزم الفعل المضارع الذي بعده وقلب كذلك parce qu'il va porter le sens كذلك il va retourner le sens du مضارع pour le rendre ماضي ونفي كذلك لأنه يدل على النفي فلم ولما كلاهما حرف جزم وقلب وبارك الله فيكم ونفي أما الفرق بين لم ولما يعني فرق entre les deux ils ont évoqué plusieurs فروق لكن on va évoquer certains d'entre eux parmi les فروق qu'ils ont évoqué pour لم ولما c'est que لما son نفي il est مستغرق في جميع أجزاء الزمان الماضي لما lorsque tu l'utilises c'est pour apporter la négation totale dans le passé une chose qui ne s'est jamais fait dans le passé تقول مثلا هل طلبت نعم هل ذهبت إلى اليمن تقول لما أذهب هل ذهبت إلى اليمن Et la personne répond, lamma adhab, et je ne suis pas encore parti. Lakin lorsqu'il dit lamma adhab, il est en train d'apporter une information que dans le madi, dans le passé, il n'est jamais parti. Donc ça c'est quoi? C'est un nafi qui est quoi? Mustagharak, c'est-à-dire il est total. Fil madi. Si jamais il utilise lamma, c'est-à-dire que c'est une chose qu'il n'a jamais fait dans le madi. Hal dhahabta ila al-Yaman? Lamma adhab ila al-Yaman. Lamma adhab ila al-Yaman. Et je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore parti. Lakin je ne suis pas parti auparavant. Il n'est pas parti auparavant. Et ça laisse penser qu'il va partir. C'est pour ça que tu ne peux pas dire مثلا هل ذهبت إلى اليمن تقول لما أذهب ثم ذهبت. لا ما يقال هذا. Tu ne peux pas dire, quelqu'un te pose la question, est-ce que tu es déjà parti au Yémen? Tu dis je ne suis pas encore parti, mais j'étais parti. C'est pas possible. Je ne suis pas encore parti, mais j'étais parti au Yémen. C'est pas possible. C'est pour ça qu'on ne peut pas ramener après l'amma une information qui est dans le mardi. Pourquoi? Parce qu'il a porté le nafi al-mustagharak, c'est-à-dire total, fi al-mardi. Donc on ne peut pas ramener une information, une affirmation plutôt, fi al-mardi, de la chose dont on a apporté la négation avec l'amma dans le mardi. C'est impossible, c'est une contradiction. Amma lam, son nafi fi al-mardi, il est partiel. Il peut être mustamir comme il ne peut ne pas l'être. Mathalan, si jamais on va prendre le même exemple. هل ذهبت إلى اليمن فيقول لم أذهب تمام لم أذهب ليش معنى ذلك qu'il n'est jamais parti dans le ماضي لكن il apporte l'information qu'il n'est pas parti تمام ensuite مثلا si jamais مثلا la personne dit هل ذهبت إلى اليمن يقول لم أذهب ثم ذهبت تمام je n'étais pas parti et ensuite je suis parti تمام là il peut ramener le sens du ماضي parce que لم il apporte pas la négation totale dans le ماضي هل ذهبت إلى اليمن لم أذهب ثم ذهبت. Là, on a utilisé le mardi après avoir apporté une négation dans le mardi. On a apporté une affirmation dans le mardi après avoir apporté une négation dans le mardi. Avec l'âme, tu peux rapporter une affirmation après la négation dans le mardi. Pourquoi? Parce que son nafi, il n'est pas mustagharak fi jami' al-azminati al-mardiyah. Donc ça, c'est un des farq parmi entre l'âme ou l'âme. وكذلك, comme on a pu l'évoquer vite fait, c'est que l'âme la yutawakta husul al-fi'al ba'da. La personne, si jamais tu lui dis « هل ذهبت إلى اليمن؟ فقال لم أذهب » ça laisse pas entendre qu'il va partir. « لا يتوهم منه حصول ذلك الذهب » ça laisse pas entendre qu'il va partir au Yémen. « أما si jamais on lui dit « هل ذهبت إلى اليمن؟ فقلت لما أذهب » لما أذهب » معنى ذلك, il laisse entendre « يوهم لنا أنه سوف يذهب » il ira un jour au Yémen. « هل ذهبت إلى اليمن؟ » non, je ne suis pas encore parti. Tu sens à travers cela qu'il y a une rahba, il va peut-être y aller. Donc lorsqu'on veut apporter une négation d'une chose dans laquelle on pense, dont la personne va le faire, il y a là dans le futur, on ramène l'âme, on ramène l'âme. Ça, c'est un farq bainahuma. Ensuite, ils ont évoqué d'autres furuq, lakin inshallah. C'était, on va se contenter de cela, inshallah. On va se contenter de ces deux furuq qui sont évoqués entre l'âme et l'âme. Le premier, c'est que l'âme, il est nafié, son nafié n'est pas mustagharak. Ou l'âme, son nafié est mustagharak fil madi. Le deuxième, c'est que l'âme, yutawakka husul al-fi'al ba'da. Ou l'âme, la yutawakka minhu husul al-fi'al ba'da. Qala, wa alam. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala, il a compté wa alam comme si jamais c'était des quoi? Comme si jamais c'était des ahruf jazima en plus. Non, alam wa alam c'est comme plutôt alam c'est comme lam. C'est juste qu'on a ajouté quoi? Le harf al-istifham. Ay alam tadhhab ila al-Yaman? Tam alam tadhhab on a ramené quoi le harf al-istifham. Ce qu'il a évoqué après, alam wa alam, ça rentre dans ce qu'on a pu voir, alam wa alam, c'est la même chose. Sauf qu'il a rajouté quoi? Le harf al-istifham, et ça n'a aucune influence par rapport au fait qu'il soit jazim amla. Tamam? Donc là, ça en fait deux. Et naam, lam wa alam, ils font partie des ahruf allati tajzimu al-fi'l al-mudari' fi'lan wahida. Ça fait partie des ahruf qui vont rendre majzum. يعني اللي فعل مضارع لكن ان فعل مضارع تمام كما نبي اوكي لو جوازم ينقسم الى قسمين ان قسم كي va rendre ان فعل مضارع يعني مجزوم ان سول اي ان اوتر قسم كي va rendre مجزوم دو فعل تمام دو فعل مضارع اما الم plutôt lam ou lam, ça rend, il rend majzoum seulement un fi'l mudari. Qala wa lam al-amr wa ad-du'a wa lam al-amri wa ad-du'a. Lam al-amr tam say al-lam allati tadullu 'ala al-amr. Tam al-lam allati tadullu 'ala al-amr. Mathalan qawlu subhanahu wa ta'ala liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi. لينفق ذو سعة من سعته يعني لي هنا on appelle ça لام الأمر وينفق فعل المضارع مجزم بلام الأمر بلام الأمر وعلامة جزمه السكون في آخره وفاعله ذو مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة وهو مضاف وسعة مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره لينفق ذو سعة celui qui a la capacité de dépenser qu'il dépense. Donc là il est majzoum bi quoi? لام الأمر. تام لام الأمر. Il faut savoir que cette لام الأمر تام au différent de لام الجر. لام الجر التي تنصب الفعل المضارع مع أن مضمرة جوازا comme لام تعلي ou لام كي. تام لام تعلي ou bien لام كي. C'est que tu peux à peu prendre une sukun. Et cela, si jamais, elle est précédée d'un harf, atf. Tam, mathalan, wal yattaqillah. Tam, wal yattaqillah. Fal yattaqillah. Thumma al yattaqillah. Tam. Lorsque le lam al-amr, il est précédé d'un harf, atf, il va prendre une sukun. Tam, il va prendre une sukun, comme on a pu l'évoquer dans les exemples. Fal yattaqillah. تمام على بس هو ليتق الله ليتق الله لكن si jamais il y a un harf atf qui vient avant lam al amr il va prendre une sukun tam il va pas prendre une kasra lakin il va prendre une sukun falyattaq illah tam falyattaq illah wa yaqulu qawlan sadida tam kadhalika walyattaq illah tam thumma liyattaq illah tam thumma liyattaq illah donc si jamais il est précédé de ces trois huruf al atf le fa le waw wa thumma le lam al-amr, il va prendre une sukun. Si jamais ce n'est pas le cas, il va rester avec la kasra. Au différent de lam ukay. Lam ukay, quand on met un waw, مثلاً, liyaf'ala kada, il va rester avec quoi? Il va rester avec la kasra. Donc lam al-amr, au différent de lam ukay, si jamais il y a un harf atf qui le précède, il va être avec une sukun. Wal yattaqillah. Fal yattaqillah. Thumma yattaqillah. Et il apporte le sens du talab. Il apporte le sens du talab. Et on l'appelle lam al-amr. Ça, c'est si jamais c'est une personne qui donne un ordre à une autre. Un makhlouq qui donne un ordre à une autre, à un autre. Ou bien Allah subhanahu wa ta'ala qui donne un ordre à, un de ses, à une de ses créatures. On appelle ça quoi? Lam al-amr. Amma, si jamais nous, on demande à Allah azza wa jal par le biais de ce lam, on n'appelle pas ça lam al-amr. Parce que al-abd, an ila ya'mur Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne leur donne pas Allah azza wa jal. Lakin, min bab ta'addub, on dit, lorsqu'on fait l'i'rab, yani lorsque tu vas trouver que c'est un makhlouq qui demande à Allah Azza wa Jal par l'intermédiaire de cette lame-là, on va l'appeler lame du'a. C'est pour ça qu'il a évoqué al-mu'allif, rahimahullah ta'ala, ba'da. Qala lame al-amri wa du'a. C'est la même chose, t'as. Lame al-amr, ay, idha kana al-amir, huwa Allah Azza wa Jal. Si jamais celui qui ordonne, c'est Allah Azza wa Jal, on va l'appeler lame al-amr. Ou bien, al-amr ladhi bayna makhlouqin. Deux des créatures, il donne l'ordre sur, comment ça s'appelle, sur l'autre personne. On va l'appeler ça quoi? Lame al-amr. أما أنت إذا سألت الله عز وجل بواسطة هذه اللام لا تسمى هذه اللام لام الأمر. On appelle ça لام الدعاء. Parce que la personne a fait une dua. Elle n'est pas en train d'ordonner une chose à Allah عز وجل. تام. على كل حال يعني شيء مه. C'est utilisé comme on l'a évoqué. On appelle ça quoi? لام الدعاء. تام. لام الدعاء. قال ولا في النهي والدعاء. كذلك ولا في النهي والدعاء. On appelle ça cette lame. La, plutôt cette là, la an-nafiya, celle qui apporte le sens de l'interdiction. Il y a la an-nafiya, celle qui apporte le sens de la négation, et la an-nahiya, al-farqu baynahuma. C'est que le, la an-nafiya, la tajzimu al-fi'l al-mudari', elle ne va pas rendre majzoum le fi'l mudari'. Amma la an-nahiya, celle qui apporte le sens de l'interdiction, naam, elle va rendre le fi'l al-mudari' majzoum. C'est pour ça qu'il a dit, wa la fi'n-nafi, fi'n-nahi, wa la fi'n-nahi. C'est pas n'importe quel la. Allati tustamal fi an-nahy, dans l'interdiction. Tam qala wa ad-du'a kadhalika. Lorsque c'est quelqu'un qui demande à Allah Azza wa Jalla, مثلاً, Rabbana la tudkhilni an-nar. Tam. Huna on va pas dire cette lame là. C'est lame an-nahy. Tam, t'es en train d'interdire à Allah Azza wa Jalla qu'il te fasse rentrer en enfer. Ça, c'est pas, Tam, c'est faux de dire cela. Tam. Laquelle on appelle ça quoi? La ad-du'a. Tam, tu as fait une du'a en demandant à Allah Azza wa Jalla qu'il ne te fasse pas rentrer en affaire. Tam. Rabbana la tudkhilni an-nar. Tam. On appelle ça la ad-du'a idha kana at-talab min al-makhluq ila Allah subhanahu wa ta'ala. Et si jamais c'est min Allah ila al-makhluq, on appelle ça la an-nahi. Tam. قال سبحانه وتعالى لا تجعل مع الله إلها آخر مثلا لا تجعل مع الله إلها آخر سأسنهي تمام لا تجعل مع الله إلها آخر وابخون جزء لا تجعل لا النهي تمام وتجعل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون وفاعله ضمير مستتر تقديره لا تجعل أنت أي لا تجعل أنت مع الله إلها آخر تمام دونك لي كات كنا بي فوالا لم ولما ولم الأمر والدعاء ولا في النهي وكذلك الدعاء في سون دي جوازم كي فان روندر مجزوم ان سول فعل مضارع اي لي زوتر جوازم كي فايوكي ابخي لا الدعاء إن وما ومن ومهما وإذما وأي وأي ينفت ومتى وأيان وأين وأنا وأنا وحيثما وكيفما وإذما في الشعر خاصة c'est-à-dire qui est utilisé spécialement dans la poésie tout cela ils vont rendre majzoum deux fi'l mudari' ils vont rendre majzoum deux fi'l mudari' donc on va les évoquer vite fait dans ce cours là on va prendre يعني, chaque exemple pour ces, tout ce qu'on va évoquer parmi les jawazim et inchallah dans le prochain cours on évoquera l'i'rab pour ces on va prendre, on va plutôt dire c'est adat ou shart, adat ou shart qui vont être évoqués là. Parce que là, on les appelle ça, tout ce qu'il a évoqué, on appelle ça adat ou shart. Celle qui va avoir la, le sens de la condition. In tafhal kada, falaka kada. In tafhal kada, falaka kada. Si jamais tu fais cela, tu auras cela. Donc ça apporte le sens de quoi? Le sens du shart. C'est pour ça qu'on appelle les ahruf qu'il a cité, plutôt pas les ahruf, les kalimah qu'il a évoqué. Pourquoi on ne dit pas ahruf? Parce qu'il y a certains de ces choses-là qui sont quoi? Des asma. Comme qui sont des asma et qui ne sont pas des ahruf. Comme il a évoqué quoi? Comme ma ou amen. Ce sont des asma. C'est un ism. Parce qu'il prend une tanwin, comme on a pu le voir. Toute kalima qui prend une tanwin, c'est un ism. Donc on dit adat. Adat, ça englobe al-harf ou kadalika al-ism. Donc tout cela, on appelle ça quoi? Adat ou shart. Adat ou shart. Adat, c'est yani l'outil. Shart, la condition. Adat ou shart. Et qui vont rendre majzoum deux fi'ls. Qui vont rendre majzoum deux fi'ls. Le premier, on va l'appeler fi'l shart. Et le deuxième, on va l'appeler jawab shart. Le premier qui va être majzoum, fi'l shart. Et le deuxième qui va être majzoum, par ces adat qu'il a cité, on va l'appeler jawab shart. Donc il a évoqué en premier in. Il a commencé par in, li anna hiya umul bab. Li kulli babin um. Fa inna sebab la. C'est bab al-nawasikh allati tansib al-mubtada wa tarfa al-khabar. Wa kana c'est al-um fi al-nawasikh allati tarfa al-mubtada wa tansib al-khabar. Tam li kulli bab um. Et adawat al-shart c'est in. Tam parce que tous les adat qui va évoquer parmi les asma et les ahruf, kulluha tatadamman ma'na in. Tam elles apportent tous le sens de la condition. Qui est évoqué dans in. C'est pour ça que il évoque directement en premier parce que in c'est lui qui apporte plutôt. Il y en a tous les adat qui suivent derrière. Ils ont ce sens-là de la condition avec in. Donc il a commencé par in. In, مثلاً قل سبحانه وتعالى إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Comme ça, c'est un exemple parmi le Coran. On va prendre un exemple un peu plus simple parce qu'il est long en arabe. On va dire, مثلاً, In tatlub al-ilma, tanjah. In tatlub al-ilm, tanjah. In, on va l'appeler adat ou shart. Tam harfu, shart. In tatluba fi'lun, n'am fi'lun mudari', majzum bi in, wa alamatu jazmihi, as-sukun. Tam in tatlub al-ilma, al-ilm, inshallah, on l'a. Tanjah, on va l'appeler, tanjah, faire le mudari', majzoum bi in. Majzoum bi in, wa alamatu jazmihi, as-sukun. Le premier fi'l qui est, in tatloub, on l'appelle quoi? Fi'l shart. C'est le fi'l qu'on a utilisé يعني pour conditionner le al-najah, afin que on a la réussite, il faut qu'on te l'obtienne. Tam. On l'appelle fi'l al-shart. Tam. Et celui qui suit après, la réponse, tam, de ce fi'l al-shart, on l'appelle quoi? Jawab al-shart, la réponse, tam. In, et on peut l'appeler kazalika jaza al-shart. In tatlub al-ilm, ça c'est fi'l al-shart. Si jamais tu fais l'ilm, tu tatlub al-ilm, tamjah, tu réussiras. Tam. Tamjah, c'est quoi jawab al-shart? Ensuite, il a évoqué rahimahullah ta'ala ma. Tam. Et ma wa man, tam, les deux, ma wa man, ce sont des asma al-shart. Asma al-shart. Ils sont mabni, comme in kazalika, il est mabni, parce que de toute façon c'est un harf. Tam kazalika, ils vont rendre madzoum de fi'l. Le premier qui va s'appeler fi'l al-shart, et l'autre qui va s'appeler soit jawab al-shart ou jaza al-shart. Man ya'mal su'an yujaza bih. Man ya'mal su'an yujaza bih. Celui qui fait un mal, il sera sanctionné par rapport à cela. Donc, man, on dira quoi? Ism shart. Ya'mal, fi'l shart, majzum biman, wa alamatu jazmihi, as-sukun. Yujazabi, à la base, c'est quoi? Yujaza, avec une alif maqsura, comme le alif maqsura de Mustashfa. À la base, c'est yujaza, lakin là, il est majzum. Tam yujaza, jawabu, as-shart. Wa alamatu jazmihi, yani majzum biman. وعلامة جزمه حذف حرف العلة ولينفي حرف العلة تام وما نعم من يعمل سوءا يجزى به تام on a pas dit يجزى به on a enlevé l'alif maqsoura parce qu'il est majzoum تام il est majzoum donc le premier on appelle quoi فعل le man on appelle أداة شرط اسم شرط يعمل فعل شرط ويجزى on appelle ça جواب شرط كذلك ما تام وما تفعل من خير يعلمه الله يعلمه الله ما وما تفعل لو وضع على حسب ما قبله والما on appelle ça اسم شرط تفعل فعل شرط ما جزم بما وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأمثلة الخمسة يعمله يعلمه الله جواب شرط وعلامة نعم جواب شرط ما جزم بما وعلامة جزمه السكون تم وعلامة جزمه السكون et il faut savoir que c'est quoi le fard entre man wa ma, c'est qu'il y en a un qui est utilisé l'il'alim. Tam, il y en a un qui est utilisé l'il'alim. Tam, et ma, il est utilisé l'il'alim. Tam, il est utilisé pour celui qui n'est pas, on ne peut pas qualifier par la science. Tam, c'est ça le farq entre les deux. Tam. Ensuite, il a évoqué, rahimahullah, nam, in wa ma wa man wa mahma. Tam, kazalika mahma, c'est un ismu mubham. Tam, mahma, c'est un ismu mubham. Tam, tam, donc mahma, c'est un ism. Qul subhanahu wa ta'ala. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. On va prendre un autre exemple. مهما تفعل من خير أفعله. مهما تفعل من خير أفعله. مهما اسم شرط. وتفعل فعل مضارع مجزوم بفعل شرط مجزوم بمهما وعلامة جزمه السكون في آخره. تمام. ومهما تفعل من خير أفعله أفعله فعل جواب شرط مجزوم به مهما وعلامة جزمها السكون في آخره تام كذلك لا ممجوز avec quoi إذ ما تام كذلك avec إذ ما تام إذ ما il est composé de deux choses تام de in et de ma تام du in et du ma et le ma qui vient هنا c'est من باب التوكيد تام il vient rapporter le sens du tawkid id wa ma tam id wa ma et celui-là n'am c'est un ism kadhalika n'am id ma c'est un harf c'est pas un ism tam c'est un harf shart tam c'est un harf shart comme in et le ma qui est rentré dans à la base c'est quoi id wa ma et le ma qui est rentré dans c'est il apporte le sens du tawkid tam il apporte le sens du tawkid un exemple par rapport à cela je cherche l'exemple id ma ta'tina la na'tik تام إذ ما تأتينا لا نأتيك إلا تأتينا بمعنى لا نأتيك تام سلام جوز. On va juste essayer d'accélérer l'évocation de ces أحرف plutôt de ces أدات histoire que on finisse le درس تام. Sinon les أحرف c'est comme je voulais évoquer تام. Le premier on va l'appeler أدات شرط soit c'est un حرف ou soit c'est un اسم تام. Et ensuite le verbe qui va suivre ça va être quoi faire le شرط et le verbe le deuxième qui va rendre majzoum on va l'appeler quoi جواب شرط تام. قال يقوى إلى يبكي نقطة لا إذما وأيون تام أيون ساسا اسم فقط دليل على ذلك سكيبهان لا تنوين تام كيبهان لا تنوين مثلا si on dit أي مرء يخدم أمته تخدمه أي مرء يخدم أمته تخدمه quelconque personne qui se rend utile à sa communauté elle va la rendre, elle sera utile qu'à l'écart son égard. أي مرء يخدم donc là il est majusum فعل شرط أمته تخدمه تام تخدمه كذلك هذا مجزوم تام on appelle le deuxième فعل الشرط ou plutôt جواب الشرط ومتى كذلك تام et متى c'est بمعنى ظرف زمن ظرف الزمن تمام et كذلك il aura c'est un اسم تمام et اسم شرط et ce qui va suivre derrière فعل الشرط et le deuxième جواب الشرط كذلك avec أيام تام il est مبني sur كذلك et كذلك avec أين وأن وحيثما وكيفما وقال وإذما في الشعر خاصة أما إذما il est utilisé plutôt وإذا il est utilisé dans quoi الشعر خاصة تمام tu le trouves pas comment s'appelle ils appellent ça النثر dans l'inverse du poème on appelle ça النثر le texte qui est normal tam, le texte qui n'est pas une poésie et bien celui-là il est utilisé tam, لكن dans quoi في الشعر comme étant un jazim لكن في dans la parole normale on va pas le rendre il n'aura pas le sens du jazm hein? Et tous ces ahruf là plutôt tous ces adat là ils apportent le sens de quoi de in hein? De in donc tout ce qu'on a pu évoquer parmi les exemples hein? Donc tout ce qu'on a pu évoquer parmi les exemples man ya'mal su'an yudzabi an in ahad ya'mal su'an yudzabi wa ma taf'alu min khayrin ya'lamuhu Allah in taf'alu min khayrin يعلمه الله تمام كذلك قالوا مهما تأتينا قالوا إن تأتينا بكذا وكذا تمام ومتى كذلك تمام متى تأتي نأتي متى تأتي نأتك أي إن تأتينا نأتك تمام tous ces gens ils peuvent être remplacés par إن c'est pour ça que إن c'est أم الباب تمام donc là on récapitule ces جوازم là تمام il y a des جوازم qui vont rendre مجزوم un seul فعل مضارع qui sont au nombre de 4 qui sont لم ولما ولم الأمر ولا النهي. On peut aussi كذلك les appeler لم الدعاء أو لا الدعاء. Si jamais c'est évoqué par Allah سبحانه وتعالى. Ces quatre là, ils rendent مجزوم un seul فعل مضارع. Et tout le reste qu'il a évoqué, ils vont rendre مجزوم deux فعل مضارع. Le premier qui va s'appeler فعل شرط et le deuxième qui va s'appeler soit جواب شرط si jamais c'est une réponse أو جزاء شرط si jamais c'est une rétribution. S'il y a des questions par rapport à cela, tam. Barakallahu fikum. Ça sera posé sur le site, sur l'adresse du site, demage.fr.net@gmail.com. Car là, il faut que je parte pour rattraper le bus. Donc, inshallah, tabaraka wa ta'ala, dans le prochain cours, on évoquera les shurut pour qu'il rentre en mezzum de faire mon darah. Là, on a évoqué de manière générale. Et inshallah, tabaraka wa ta'ala, dans le prochain cours, on continuera les fawaid qui sont muta'allaqatun bi. الجوازم تمام ان شاء الله في ان كيسيون كما جوندي مثلا سور لو ميل دو سيت كارنا جو با ريبون ديريكتومون تمام بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك مع تحيتي دماج افاف.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون الى الظلمه من شيعة او حزبيين لا تركن اليهم هؤلاء ثعابين